Si l'espionnage a longtemps été l'apanage des grandes puissances, seules capables d'aligner d'importants moyens et autant de personnel pour développer des services de renseignement aux quatre coins du globe, l'ère du numérique a rebattu les cartes. Aujourd'hui, l'espionnage n'est plus tant une affaire d'État que de particuliers et d'entreprises. Plus besoin de cohortes, de diplomates, d'agents infiltrés ou de terrain, il suffit d'une salle, de quelques ordinateurs dotés de bons algorithmes et d'une petite cohorte d'experts du numérique pour pouvoir extraire les informations nécessaires et passer de l'espion qui venait du froid à l'espion qui venait du web. Cyberespionnage, mon nom est Geek, James Geek, c'est un titre qui vaut ce qu'il vaut, c'est surtout le problème auquel nous allons nous atteler dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et en espérant que mes deux invités du jour m'excuseront ce manque d'inspiration dans la titraille, bonjour Gérald Darbois. Bonjour. Vous êtes historien, directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement, auteur de « Des services secrets pour la France », du « Dépôt de la guerre à la DGSE », c'est aux éditions du CNRS. Et Nicolas Arpagian, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique au sein de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, auteur du « Que sais-je » sur la cybersécurité aux presses universitaires de France. Vous pouvez suivre, comme chaque jour, cette émission sur les ondes de France Culture et en parallèle via notre fil Twitter @laméthodefc. Alors, pour commencer, eh bien, l'espionnage, c'est vrai que l'espionnage, le renseignement ont toujours été intimement liés au développement scientifique de tout temps et même depuis l'Antiquité. Est-ce que finalement l'ère du numérique a profondément changé radicalement la nature de ces métiers, Gérald Darbois ? Non, les services de renseignement se sont toujours adaptés aux transformations technologiques, donc ont toujours été les premiers souvent à avoir les nouvelles technologies. On a placé un appareil photo en face de l'ambassade d'Allemagne dans les années de l'affaire Dreyfus, donc dans les années 1890. Toutes ces technologies-là, les services les ont eues, soit parce qu'elles existaient déjà, soit parce qu'ils ont réussi à les récupérer. Ce qui va changer, c'est qu'on est entré dans une période de grande modernité, avec une législation qui est de plus en plus contraignante et une nécessité d'acheter les choses plutôt que de les voler. Et ça, c'est le grand changement, mais c'est les 30 dernières années. Que votre point de vue sur cette question, Nicolas Pagin ? En fait, on a deux phénomènes concomitants. D'une part, la massification des données. On va laisser, au fur et à mesure de notre consommation numérique, que l'on soit un particulier, quelqu'un dans une entreprise, une administration, une personnalité publique, on va laisser des traces. Et donc, effectivement, ces traces vont intéresser des gens qui veulent connaître notre localisation, les contacts que l'on a, les productions que l'on peut avoir. Donc, c'est la massification. Et deuxième caractéristique, c'est la consumérisation. C'est-à-dire que là où des outils, comme vous l'évoquiez en introduction, étaient l'apanage de services étatiques, soit parce qu'il y avait une capacité technique pour les exploiter, ou alors il fallait être doté de ressources financières. Maintenant, dès lors qu'il y a une demande qui s'exprime, il y a une offre de solutions d'interception, de copie, de piratage, en tout cas de duplication d'informations, on va s'apercevoir qu'il y a cette mise à disposition d'outils où ceux qui vont les utiliser ne sont pas ceux qui les ont conçus, et on va s'apercevoir qu'il y a presque d'ailleurs une concurrence entre ces producteurs de solutions d'attaque, de piratage, de vol, d'usurpation permettant les usurpations d'identité le cas échéant. Et donc, il y a un marché qui est à disposition grâce au numérique et avec la connexion Internet presque familiale. Ça, c'est aussi une question d'orientation du renseignement. Ce que mon camarade disait, c'était que on avait de nouveaux acteurs qui sont intervenus sur le marché, mais on est dans une progression et dans une privatisation, en fait, de ce qui est l'arme du renseignement. Et ça, encore une fois, on est sur un long processus qui date d'un bon siècle, on va dire, avec l'apparition des détectives privés. Oui, des agences privées qui ont été la première partie de la privatisation et de la mise à disposition, d'ailleurs, au plus offrant aux États. Et ceux qui sont ensuite entrés dans l'intelligence économique, ce sont les détectives privés qui se sont recyclés dans cette matière-là. Vers des marchés plus solvables, avec des demandes plus étoffées, dotées de moyens des entreprises capables de mettre le prix et donc de rendre effectivement tout cela extrêmement lucratif. Peut-être faut-il faire un point de précision, parce qu'on va parler de différentes choses et on va voir justement que les frontières se troublent avec cette ère du numérique. On parle de cyberespionnage, on parle de renseignement, on parle de cybersécurité, de cybercriminalité. Alors évidemment, la différence principale, c'est l'objectif. Mais néanmoins, on voit que tous ces terrains-là, entre cyberespionnage et cyberrenseignement, commencent à devenir un peu plus flous. Ils deviennent poreux. Poreux, pourquoi ? Parce que les outils deviennent communs, c'est-à-dire que l'on va pouvoir intercepter le téléphone d'une personnalité, mais qui est dans sa vie privée. C'est-à-dire que, par exemple, ça va être son compte de messagerie personnelle qui va être piraté, ou sa page Facebook, comme on a vu le cas dans le cas, par exemple, pour rentrer dans le système de messagerie de la présidence de la République française, le grand service étatique étranger qui a opéré est passé par la page Facebook d'un collaborateur du président de la République française. Donc on va mêler la sphère privée, la sphère publique, collecter des renseignements personnels de manière à nourrir une opération d'influence ou une opération d'usurpation d'identité qui vont permettre de rentrer, alors qui dans une entreprise à des fins strictement crapuleuses ou de renseignements économiques, ou dans la sphère étatique si on est dans l'affrontement de services de renseignement plus généralement. Mais dans le temps, on faisait la même chose, c'est-à-dire que quand on avait une volonté d'arriver quelque part, soit on faisait pression sur un collaborateur de quelqu'un qui nous permettait d'accéder à un niveau au-dessus, soit on allait lui forcer son coffre pour récupérer tous les papiers. Et là, on fait la même chose, sauf qu'aujourd'hui, on est dans des données qui sont dématérialisées. Et puis on a une multiplication de coffres, que ce soit le cloud, que ce soit son ordinateur, que ce soit sa clé USB ou que ce soit un disque qu'on emmène partout. Donc il y a plus de circulation d'informations qui peuvent être interceptées en fait, à un moment donné. Effectivement, on a franchi les distances, c'est-à-dire qu'on peut mener des actions sans être physiquement au contact. Et deuxièmement, on peut, si on le fait de manière discrète, ou en tout cas si sa cible n'est pas pourvue de moyens de supervision, on peut le faire à son insu. Et donc effectivement, la cible peut ignorer son statut de victime et donc conserver toute sa candeur quant au fait qu'elle est persuadée que l'information qu'elle détient est restée confidentielle et qu'elle n'a été piratée par personne. Ce que j'évoquais dans l'introduction, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces nouvelles pratiques et cette démocratisation, en tout cas, de l'accès au numérique et de la possibilité de casser un certain nombre de barrières, ça a rebattu les cartes géopolitiques. Qu'en pensez-vous, Gérald Darbois ? Ça les a rebattus, mais pas tellement, parce qu'on a trois grandes parties dans le monde aujourd'hui. On a les États-Unis qui jouent avec une grande longueur d'avance sur tout le monde. D'aucuns ont appelé ça la spatiopolitique, alors que nous, on serait encore dans la géopolitique. C'est-à-dire qu'on aurait encore notre volonté de faire avancer nos chars avec sur un territoire physique. Mmh. Alors que les Américains sont déjà beaucoup plus loin. Mais cela dit, on a toujours essayé, nous petits Français, de récupérer les secrets du marché nucléaire américain. Dans les années 60, ça a fait un gros scandale. Il y a des têtes qui sont tombées. Et puis après, on a eu une opération Matryoshka, c'est-à-dire que pour pouvoir camoufler le camouflé que les Américains avaient subi, ils nous ont fait subir une autre affaire qui a touché l'environnement du général de Gaulle. Tout ça, ça a fait les grandes joies de tous les scénaristes, et très bons films d'ailleurs dans les années 60. Fleming, entre autres, non mais j'en sais rien de John Fleming. Bref. On est toujours dans le même processus, c'est toujours soit un service qui obéit aux ordres de son gouvernement et qui va essayer de récupérer de l'information, qu'elle soit économique, politique, militaire ou sexuelle, ça ne pose aucun problème aux services. Ils sont là pour récupérer de l'information, quelle que soit l'information. Et ils analysent cette information, quelle que soit l'information, pour le demandeur ultime, donc celui qui a posé la question en premier, c'est un décideur politique quelconque. Peut-être sur cette ce que j'évoquais en introduction, c'est le fait qu'aujourd'hui des petits pays, on parle souvent de l'Estonie qui est connue pour sa force de frappe en matière de cyberespionnage, de même par exemple que d'un autre côté, on pointe souvent aujourd'hui la Russie pour couvrir un certain nombre de groupes de hackers qui sont plus ou moins liés à l'État. Enfin, en tout cas, on a l'impression que ça a quand même rebattu sur stricto sensu sur le web en matière de cyberespionnage un petit peu les cartes et rééquilibré face à des petits pays qui sont dotés de forces de frappe frappe très très efficace et très restreinte. Alors, les forces d'intervention cyber ne défilent pas sur la plus grande avenue de la capitale. Alors, si on prenait l'exemple du 14 juillet et du défilé, on voit bien que ça rétablit un équilibre, parce qu'on est moins dans une logique démographique, c'est-à-dire où il faut aligner des personnels sur un théâtre d'opération physique. On va se retrouver dans un domaine où il doit y avoir de la compétence, il doit y avoir de la formation, il doit y avoir de l'entraînement pour pouvoir mener des opérations, le cas échéant, en s'appuyant peut-être sur des supplétifs, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des personnels permanents des forces armées, qui ne sont pas des fonctionnaires, en quelque sorte, de la puissance publique, que ce soit les forces de police, les forces militaires, mais qui vont venir à un moment, alors, par un intérêt bien compris. Alors, effectivement, en Russie, on met souvent en avant des patriotes. Alors, effectivement, ce lien peut être plus ou moins spontané, ou en tout cas, il peut être entretenu de manière plus ou moins, harmonieuse, mais il s'avère que ça vaut le coup pour des organisations de venir apporter ponctuellement leurs compétences à une autorité qui, si d'aventure il faisait l'objet d'investigations à l'échelle internationale, tempérerait les demandes de pays étrangers et donc ferait en sorte d'assurer une relative impunité à ses ressortissants. On voit bien que là encore, il y a une porosité entre la sphère publique et la sphère privée, au sens d'acteurs qui ne sont pas formellement des fonctionnaires, des agents de l'État, mais qui peuvent apporter une compétence, alors soit dans la compétence d'un outil technologique, soit en termes de compétences intellectuelles, apporter des individus qui vont venir ponctuellement apporter leur assistance ou leur expertise sur ces sujets. Ça, c'est plutôt pour l'exemple de la Russie. Mais en fait, pour l'Estonie, il y a deux logiques. Il y a une logique longue, c'est celle de la guerre froide. C'est-à-dire que la guerre de l'information commence à se théoriser et à se formaliser au début des années 80. L'Empire soviétique meurt en 89-90. Donc, l'Estonie étant un pays qui était assez proche de l'Europe, donc de l'Occident, a été doté, dans le cadre du pacte de Varsovie et autres, de troupes qui étaient spécialisées dans tout ce qui était interception électronique, écoute. Quand la révolution, enfin pas la révolution, quand l'effondrement de l'Union soviétique a été constaté et que l'Estonie est devenue indépendante, bah, ces troupes-là sont restées. C'était des Estoniens qui travaillaient là-dedans. Et là, on arrive sur la deuxième tendance, c'est-à-dire une tendance courte. C'est quand l'Estonie est entrée dans l'OTAN, on a demandé aux Estoniens de continuer dans leur progression. Puis ensuite, il y a eu une décision politique de l'Estonie de faire du pays un pays, enfin un e-pays, c'est-à-dire un pays connecté. Donc tout ça mis bout à bout, vous avez cette Estonie que l'on connaît aujourd'hui. Il n'empêche que toute électronique qu'elle soit, elle a demandé le secours de l'OTAN parce que l'ogre russe à côté, elle le craint. Ce que je veux dire pour conclure cette petite partie d'introduction, c'est de dire que effectivement entre on est passé d'un monde très bipolarisé, avec en tout cas des grandes puissances, avec des services de renseignement extrêmement structurés, centralisés autour de diverses agences très structurées. Donc c'est quelque chose que je vous soumets, vous me direz ce que vous en pensez. Aujourd'hui, un monde où ces équilibres-là, même si les grandes puissances conservent certainement un coup d'avance, comme vous le disiez Gérald Darbois, sur la cybersécurité, on est face à des lignes plus floues entre cybersécurité, cyberespionnage, renseignement, groupuscules privés d'individus, États, petits États qui pourraient avoir une force de frappe. On a l'impression que le monde s'est un peu multipolarisé et que les frontières se sont un peu brouillées en quelque sorte. Est-ce que c'est vrai ou quel est votre sentiment, Nicolas Pagier? En fait, on n'est plus souvent dans les forces armées, vous allez avoir ce qu'on appelle des lois de programmation militaire. C'est-à-dire qu'on va programmer les investissements nécessaires pour protéger un pays à l'échelle de la défense à des périodes allant globalement entre 5 et 30 ans. Et il faut avoir cette vision. Pourquoi? Parce que ça nécessite des moyens, ça nécessite des équipements, ça nécessite d'avoir une expertise et des délais de fabrication. Il est évident que dans le numérique, on va être dans un monde agile, dans un monde où il va y avoir une phase d'observation de la technologie de l'adversaire de manière à l'utiliser. On est un peu dans la philosophie du judo qui va se dire que le plus petit peut, dès lors qu'il a trouvé le point de levier, déstabiliser une entité plus riche en individus, plus riche en ressources financières et plus riche en infrastructures. Donc, effectivement, on va s'apercevoir qu'il va y avoir un déploiement de cette expertise qui peut être chez des individus qui, d'ailleurs, n'ont n'ont pas forcément cette histoire militaire, cette histoire liée justement à une formation offensive telle qu'on l'a pu, qui était réservée exclusivement aux académies militaires, et d'avoir des gens qui ont une expertise qui est au début, alors dans les années 70-80, était un peu fondée sur l'effet de la performance. Tiens, j'ai réussi à rentrer dans le serveur de telle administration, avec une espèce de fierté, à quelque chose de plus politisé qui va commencer à se faire soit au profit d'une cause et soit également à des fins crapuleuses. Et c'est là où les États vont à un moment se dire, j'ai besoin de réintégrer cette expertise chez moi. Mais là où l'État était une destination naturelle, comme employeur d'ailleurs, comme commanditaire dans des fonctions telles que les parachutismes, les marins, l'aviation, bah effectivement dans le cyber, l'État ne devient alors qu'un employeur comme les autres potentiellement, soit parce que des entreprises vont s'y intéresser, soit parce que des mafias ou des individus vont essayer de le faire à leur propre compte. On est passé dans une polarité d'acteurs, ça c'est certain. Mais en matière de renseignement et notamment en matière de capacité cyber, puisqu'il faut employer le mot, on a quand même cette ancienne triade qui gérait le monde, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe et puis... Le bloc soviétique. Non. Un pays dans le nord-est Pacifique. Alors avant c'était le Japon, maintenant c'est la partie littorale de la Chine. Les géographes sont pas encore certains de ce côté-là, mais vous allez voir pourquoi j'ai utilisé cette image-là. C'est qu'aujourd'hui en cyber, on a les États-Unis et l'Europe. C'est vraiment un problème de riches. Les pauvres, pour l'instant, sont encore... Enfin, l'Europe n'est pas aussi présente que ça. Elle est exposée parce qu'elle est très numérisée, mais elle est moins opérante en termes offensifs. Les pauvres sont toujours au renseignement humain, et ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. On a chopé les Chinois il n'y a pas longtemps, en France. Donc, même la Chine, qui est un grand pays en train d'arriver, est un nain... Déjà bien arrivé. Non, mais est encore un nain en matière de cyber. Je serais moins sévère quant à l'analyse de la Chine et de son capacité, puisque la Chine maîtrise l'équipement technique, a l'expertise dans la formation de ses personnels, a un certain nombre de moyens et de volonté politique pour y consacrer des ressources en termes financiers, en termes de formation, en termes de liens justement avec le tissu industriel. Elle est quand même beaucoup mieux armée que la famille européenne, qui est déjà arrive en ordre dispersé, puisque la comptabilité européenne, la comptabilité économique se calcule nationalement et pas de manière collective. Il y a un droit qui est à peine en construction. L'année 2018 a vu l'entrée en vigueur de quelques dispositions concernant la protection des données personnelles, la protection d'actifs stratégiques qu'on qualifie d'OSE, opérateurs de services essentiels, c'est-à-dire ces entreprises dont la défaillance peut mettre en péril la continuité de la collectivité européenne. Mais on voit qu'on est plus dans la protection. La famille chinoise est beaucoup plus cohérente, homogène. La famille chinoise, elle est toute seule. Elle a une capacité d'entraînement qui est sans équivalente par rapport à la sphère européenne. Il y a un acteur que vous n'avez pas mentionné, mais qui est un acteur important sur la scène cyber, c'est Israël, qui est tout de même un acteur de pointe en termes de cyberespionnage international. Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est toujours ramener, si on parle de renseignement, il faut toujours ramener aux besoins du pays en matière de renseignement. Israël, ses capacités sont surtout destinées à empêcher que les États arabes se coalitionnent avec les Palestiniens, après rendre des services pour les autres services avec lesquels elle travaille, que ce soit les Français ou que ce soit les États-Unis ou que ce soit un autre pays. Mais il ne faut pas voir justement les capacités ou les tendances capacitaires dans certains pays avec une capacité de nuisance dans les autres pays. C'est vrai qu'au niveau économique, on n'a pas d'alliés, mais on n'en a jamais eu. Il faut pas se leurrer, quand on allait essayer de piquer du renseignement chez les Américains dans les années 50-60, on était alliés avec eux politiquement contre les communistes, mais on se faisait des coups tordus entre alliés politiques au niveau économique. Et on le faisait avec les Britanniques, on le faisait avec les Italiens. Il y a des avions qui sont tombés avec des patrons dedans, on ne sait pas trop comment ils sont tombés, mais il y a une raison économique derrière et il y a un État derrière qui a donné l'ordre. Là, c'est du travail de renseignement classique. On va continuer à étudier et examiner ce que justement le basculement dans l'ère numérique a permis comme modification, comme transformation au sein des entreprises de renseignement, mais aussi d'espionnage et de constitution. Vous allez voir d'un certain nombre de groupes indépendants, un peu difficiles à identifier, à localiser, et qui jouent aujourd'hui et qui pèsent un poids relativement lourd dans la cybersécurité mondiale. La méthode scientifique. Nicolas Martin. Et à 16h20 sur France Culture, nous parlons de cyberespionnage et de cyberrenseignement en compagnie de Gérald Darbois, qui est historien, directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement, et Nicolas Arpagian, directeur scientifique au sein de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Alors, comme souvent, quand on parle d'espionnage, il y a beaucoup de fantasmes de tout temps. C'est une constante autour de cette figure de l'espion et encore plus autour du cyberespion. Alors, de quoi, de qui parle-t-on, de quel mode d'action, avec quels objectifs et quels moyens? C'est quoi aujourd'hui un cyberespion, Nicolas Arpagian? Alors, un cyberespion, c'est quelqu'un qui va être capable d'intercepter de l'information en faisant en sorte de créer le moins de perturbations possible chez sa cible, de manière justement à ce qu'elle ne cherche pas à le leurrer, ou qu'elle modifie son comportement, ou qu'elle place à d'autres endroits son information. De manière, en fait, à conserver une avance. Le militaire parle de regarder de l'autre côté de la montagne, en quelque sorte, c'est jouer une partie de cartes en ayant une vision claire du jeu de la adversaire. Alors évidemment, ça perd en suspense, mais évidemment, vous gagnez d'autant en efficacité. Ce qui est certain, c'est que ce renseignement va maintenant s'appuyer sur des outils étatiques, mais également sur des partenaires économiques. Et c'est pour ça que va se jouer de plus en plus le mariage entre deux notions. La notion de sécurité, faire en sorte qu'un système soit protégé, mais également la notion de confiance. Est-ce que je peux avoir confiance, moi, en tant qu'utilisateur, même en tant que client, de tel ou tel équipement, de telle ou telle solution? C'est vrai que ça va être un élément. Pourquoi ? Parce que j'évoquais tout à l'heure le fait qu'une organisation mal surveillée, mal pilotée par la sécurité pourrait laisser dans l'ignorance celui qui aurait la conviction que vous avez vous avez l'intégrité de ces informations est garantie, mais que en fait quelqu'un a regardé par-dessus votre épaule et a pu adapter sa stratégie. Ce qui est certain, c'est que on est dans une logique où l'outil numérique est désormais omniprésent dans la production, dans la consultation, dans le croisement, dans le stockage de l'information. Et donc, effectivement, on démultiplie l'exposition au risque et effectivement on crée autant d'occasions, surtout quand le pirate, qu'il soit motivé à des fins politiques, crapuleuses, idéologiques ou autres, va chercher ce qu'on va désigner comme un maillon faible, c'est-à-dire quelqu'un qui à un moment va être un détenteur peut-être moins vigilant. Ça peut être une personnalité, mais ça peut être également un prestataire, un sous-traitant de sous-traitant, et qui aura été détenteur de l'information. Je prends l'exemple, c'est pas de l'espionnage, mais pour vous donner l'illustration, un grand casino de Las Vegas il y a quelques semaines a fait l'objet d'un vol et d'un piratage à grande échelle. Le pirate est passé par le gestionnaire de l'aquarium géant à l'intérieur du casino. Pourquoi ? Parce que le casino, lui, était plutôt bien protégé. Pour piloter cet aquarium, il fallait une société qui suive l'hydrométrie, qui suive la température et la qualité de l'eau. Il s'avère que le pirate a fait ce travail en amont d'ingénierie sociale. Quel est le moyen le plus efficace pour rentrer ? Et donc, c'est un travail qui est connu de longue date dans le renseignement. Mais là, on peut le faire à distance et en essayant surtout d'éviter la mise en cause de la responsabilité a posteriori. Gérald Darbois. Bah, l'espion, le cyberespion, c'est quoi? C'est-à-dire concrètement, quels sont les outils qui sont à sa disposition? Bah, c'est pas une histoire d'outils. En fait, l'informatique telle que on la connaît, c'est le maillon faible de toute organisation sociale. Des études sont faites chaque année, des palmarès des erreurs informatiques ou bien de toutes les défaillances que l'on a pu connaître. Et je vais vous en citer les dernières qui sont sorties. Je ne vous donne pas les chiffres, je vous donne simplement les raisons. La première faille en matière, donc la première, entre guillemets, cyberfaille, c'est une publication accidentelle de documents. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer son manuscrit à son éditeur, on l'envoie à la dernière adresse de la présidence de la République. Mince! C'est un nouveau patron qui est à la place. Publication accidentelle. Une erreur de configuration. Alors là, mon camarade pourra vous donner les recettes pour y entrer. En théorie, l'erreur de configuration, c'est un déroutage d'un flux ou une corruption de table BGP. Le 13 décembre 2017. Je ne sais pas ce que c'est qu'une table BGP. Ben, il vous dira ça. En tout cas, des sites ont été plantés pendant 6 minutes. Et pendant ce temps-là, on a dérouté les flux entrants sur un fournisseur d'accès russe. D'accord. Alors je précise tout de suite que c'était pas forcément les Russes qui étaient derrière. Bien sûr, mais l'idée c'est qu'on comprenne bien, c'est qu'effectivement un site est planté, toutes les informations qui arrivent, elles sont pompées, elles sont transférées. Et on va les utiliser pour de l'espionnage. D'accord. Ensuite, il y a du hacking, bon ça j'ai pas besoin de revenir dessus, du travail en interne, et là on a... Du hacking c'est donc du piratage de compte, hein, pour résumer. Du travail en interne, c'est-à-dire qu'on infiltre quelqu'un dans la structure. C'est intéressant. Ensuite, il y a des fuites, c'est-à-dire quelqu'un qui, en interne, n'est pas content du salaire qu'on lui donne ou... De la stratégie conduite ou de... Pas content de quelque chose, il va aller donner les infos aux concurrents. Après, vous avez la perte, le vol d'un ordinateur, la perte ou le vol d'un périphérique. Ça, le MI5 et le MI6 étaient spécialistes pendant une période d'années d'oublier ça sur les bancs publics. Les Britanniques sont les seuls à publier un indice statistique qui est sur le site gouvernemental britannique des nombres d'ordinateurs perdus ou volés dans l'administration britannique. C'est un geste de transparence. D'accord. C'est pas une consolation, mais c'est vrai que c'est intéressant de dire ce sont les seuls à rendre public cet indicateur statistique. Et les deux dernières raisons, c'était une sécurité inexistante, donc vous n'aviez pas d'antivirus sur votre ordinateur, ou alors... Une vulnérabilité du système, c'est-à-dire que vous avez une porte dérobée quelque part. Ce qui est intéressant dans cette ère numérique, on l'a beaucoup évoqué ici pour d'autres raisons que celle de la sécurité, mais c'est qu'effectivement, des données sont produites de manière exponentielle. Aujourd'hui, le problème, c'est de réussir à trouver dans ces données, dans ces flots de données, celles qui peuvent être intéressantes, c'est-à-dire les 0,001% qui peuvent être intéressantes pour des raisons stratégiques de renseignement, d'espionnage. C'est-à-dire qu'avant même qu'il y ait un travail humain, aujourd'hui, Nicolas Arpagian, il y a un travail de data mining, c'est-à-dire vraiment, il faut ficher les données. Alors certainement, en fait, il va falloir distinguer deux modes opératoires. Le premier, c'est lorsque vous ciblez quelqu'un en particulier, c'est bien vous, Nicolas, que je veux espionner, et parce que j'ai une conviction, j'ai un usage de ce que je vais pouvoir récolter comme information. Et après, si on fait l'analogie avec une voiture, c'est la différence. Est-ce que vous avez besoin de voler une voiture pour aller d'un point A à un point B, ou est-ce que vous avez besoin de voler précisément la voiture de Nicolas ou un modèle de voiture en particulier? Il est évident que plus on va être dans de l'information sensible, plus on va essayer de cibler, de cartographier un individu de manière à se rapprocher de son intimité numérique, de ce qu'il est, sa production, là où il met des informations, les personnes qu'il contacte et les déplacements qu'il opère. Par contre, on va quelquefois faire de la pêche, on va distinguer la pêche au chalut de la pêche au harpon, c'est-à-dire le harpon c'est précisément une personne que l'on vise, la pêche au chalut, c'est je vais collecter une grande masse d'informations et j'ai, grâce au data mining, la capacité d'élaborer des comportements, de faire des grandes masses de données pour de manière à essayer d'anticiper ou de mieux comprendre un phénomène. En fait, ça tout dépend du but poursuivi. Est-ce que je cherche précisément, je sais déjà ce que je cherche ou en tout cas auprès de qui je cherche, ou au contraire, je suis face à une masse colossale d'informations et je vais essayer de l'ordonnancer de manière à la rendre intelligible et opérationnelle pour l'application d'une stratégie. Mais justement, dans ce bouleversement des pratiques d'espionnage induit par l'ère numérique, sur cette fonction... Mais ça, c'était le travail que faisaient les services de renseignement avant. Hein. Oui, mais exactement. Justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette figure de l'espion, finalement, est en train de se modifier. Aujourd'hui, l'espion se doit d'être de plus en plus, comme vous venez de le dire et comme on vient de l'entendre, un analyste de données. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez rencontré donc ce qu'on pourrait qualifier d'espion 3.0. Rencontre-t-on un espion? Ça, c'est toujours la question, on ne sait jamais. Bon bref, en tout cas, c'est un expert des espions 3.0. Il s'appelle Alexandre Papa-Emmanuel. Il est directeur commercial renseignement et sécurité intérieure au sein de l'entreprise Soprasteria et il est maître de conférence à Sciences Po Paris. Il nous explique en fait pourquoi l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est de remettre l'agent de renseignement au cœur de toutes les données numériques qui lui parviennent, de cette masse de données dont on parlait à l'instant, mais aussi pourquoi il est indispensable de ne pas confier les clés du renseignement uniquement à la machine. La France a depuis plusieurs livres blancs et aussi la dernière revue stratégique pour la défense et la sécurité nationale ériger la fonction connaissance et anticipation comme une vraie priorité. Et donc, du coup, il y a eu un investissement très fort sur des capteurs qui vont récupérer de la donnée, que sont des capteurs satellitaires, que sont des drones, des avions de mission, ou aussi toute une panoplie de champs antennaires. Donc, aujourd'hui, la France a la capacité de pouvoir connaître, anticiper et prendre ses décisions de façon complètement autonome. Ce qu'on n'avait pas vu, c'est que cet afflux de données du coup, vient écraser l'analyste et il doit faire face à un vrai tsunami d'informations quotidien. Et il faut qu'il arrive à trouver, en fait, dans ces grands gisements d'informations, il faut qu'il arrive à trouver le signal faible pour anticiper et pas subir. Et donc, aujourd'hui, il y a un vrai plan de transformation qui se met en place dans les armées, qui est porté notamment par la ministre des armées, mais aussi au sein du ministère de l'Intérieur, et on peut le voir aussi au sein du ministère de la Justice, pour faire en sorte que, maintenant qu'on a ces données, il faut pouvoir essayer de les traiter de façon intelligente. Et en fait, la première réflexion, elle n'est pas seulement technologique, elle est plutôt dans les processus métiers. Parce qu'on voit en fait que cet afflux de données vient chambouler complètement le cycle du renseignement, qui part d'une orientation d'un capteur, de la collecte de données, de l'analyse et de la dissémination. Et là, aujourd'hui, cet afflux permanent d'informations vient complètement bousculer la façon de travailler de l'analyste. Et il faut que l'homme et la machine se retrouvent et que l'analyste soit un analyste augmenté par la machine, avec un vrai défi, hein. C'est bien sûr l'alléger sur des tâches assez rébarbatives, essayer de rapprocher, de croiser des informations, mais également en lui donnant confiance en la machine et en l'algorithme. Et donc, tout le défi aujourd'hui, il est dans ce rapport un peu particulier que l'homme et la machine vont entretenir, et comment on met en place des chaînes de traitement efficaces, c'est-à-dire comment à partir d'images satellitaires optique sur une même zone géographique, on va pouvoir détecter automatiquement du changement, on va pouvoir compter de façon automatique le nombre de blindés, le nombre de véhicules ou d'aéronefs qui sont présents, comment à partir des volumes très conséquents d'interception et d'écoute, on va pouvoir traduire à la volée des langues qui sont des langues rares, quand les linguistes sont une ressource très très rare, comment on va pouvoir retranscrire de façon automatique ce qu'on entend, comment on va pouvoir extraire de façon aussi automatique des mots-clés, essayer de détecter des sentiments, comment on va essayer aussi de créer de façon aussi très dynamique et très facile des organigrammes, des gens qui sont en relation. La machine ne remplacera jamais l'homme, mais elle lui permettra par exemple de savoir que cette personne qui est à Strasbourg, qui est une personne A, et en échange avec une personne B qui est en Allemagne, qui est en échange avec une personne C qui est en Turquie, qui elle-même est en échange avec une personne D qui est en Syrie. Et donc la machine, elle peut faire ces regroupements et faire gagner du temps en fait à l'opérateur. Et c'est ça aujourd'hui le vrai défi, c'est replacer l'homme au cœur de cette révolution de l'information et faire en sorte qu'il ne subisse pas en fait ce déluge qui le submerge et qu'il puisse aussi bien à partir de données structurées qu'on peut analyser de façon très rapide, mais surtout sur des données qui sont non structurées, des rapports, des auditions, trouver l'information pertinente. Et le défi, c'est en fait de quitter un monde qui est très en silo, c'est-à-dire où chaque expert a sa partie, son bout de connaissance, et essayer de faire en sorte que les analystes soient maintenant des agents de fusion. En fait, le vrai défi aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'il agrège en fait des compétences de sciences humaines, mais aussi de sciences de l'ingénieur. Et donc, il faut qu'il puisse dialoguer avec des geeks, pouvoir orienter des recherches et qu'il comprenne en fait les contraintes qui sont imposées par ces nouveaux champs d'investigation, par la technique, par la technologie. Je pense que il y aura toujours une spécialisation en fonction du capteur, mais que de plus en plus, il y aura une zone grise où les profils devront être un peu plus ambivalents et on voit émerger la notion de data scientist, en fait, c'est-à-dire d'acteur qui va nettoyer, travailler, polir la donnée et essayer d'en faire un outil exploitable qu'on peut associer à d'autres données et du coup arriver à la fin avec une information stratégique pertinente. Les éléments et ces réflexions-là qui sont en cours dans les agences de renseignement au sein de l'État sont aussi des réflexions qui sont en cours dans les grands groupes autour de l'information stratégique, comment prendre une bonne décision avec une vraie thématique, celle de l'analyse prédictive. Et quand on parle d'analyse prédictive, c'est aujourd'hui un petit peu de la science-fiction, c'est en fait agréger des données qui sont différentes, données socio-économiques, données culturelles, données techniques, pour pouvoir essayer de comprendre, données topographiques des fois, et donc il faut que les acteurs puissent être sur un spectre très très hétérogène de compréhension de qualité de la donnée et surtout de sa spécificité. Il faut remettre l'homme au cœur des processus de décision, grâce aux nouvelles technologies, il faut aussi remettre l'homme dans une réflexion plus globale de qu'est-ce que je dois faire avec cette information, comment je la traite et est-ce que je dois revoir mes missions en fonction de ces révolutions innovantes. Et voilà le travail de data analyst au service de la cybersécurité. Une réaction à ce que vous venez d'entendre l'un et l'autre, Nicolas Arpagian ? En fait, on s'aperçoit que de plus en plus, le problème, c'est pas la mise à disposition d'informations, mais c'est la capacité qu'a, alors le cerveau humain, en tout cas en termes d'intelligence, de poser les questions. C'est vrai que la manière, celui qui aura la bonne formulation de la bonne question, permettra d'exploiter, de raffiner, si on fait l'analogie pétrolière, cette masse brute d'informations. En fait, on le voit dans le cas des attentats, c'est-à-dire que de dire a posteriori le nom de la personne qui vient de commettre l'attentat, ah mais vous saviez, nous l'avions dans la base de données, d'accord, mais c'est pas satisfaisant, pourquoi ? Parce que ça prouve qu'on n'a pas été capable d'anticiper et de justement se prémunir contre l'action offensive. Donc c'est vrai que la question de l'esprit, on plaide beaucoup pour la notion d'intelligence, on parle d'intelligence artificielle, mais on plaide davantage pour ce qu'on appelle l'intelligence augmentée, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait besoin de l'esprit d'analyse de l'humain qui va être capable justement d'avoir cette intuition, d'avoir cet élément qui va permettre d'interpréter. Alors qu'effectivement, dans un premier temps, et pour un certain nombre d'années encore, l'intelligence artificielle va être dépendante de la qualité des informations qu'on va lui transmettre, de leur caractère normé, c'est-à-dire que cette information soit homogène, et surtout de leur profondeur, de leur antériorité. Et tant qu'il n'y aura pas cette haute qualité d'information, c'est vrai que la phase d'apprentissage va être un peu longue et surtout va être l'occasion d'erreurs. Donc, dès lors qu'on parle de sujets aussi stratégiques que la sécurité nationale, des sécurités des personnes, des biens, effectivement, on s'expose à des déconvenues. Donc ça veut dire qu'il va bien falloir avoir cette combinaison intime entre l'intelligence humaine qui va apporter justement l'éclairage et qui surtout va être capable de savoir ce que l'on cherche. Et ça va être une dimension importante parce qu'on ne pourra pas confier au seul algorithme, ce serait une espèce d'utopie, alors de cauchemar aussi, hein, mais le fantasme de dire nous allons avoir une machine supra-intelligente qui pourra être autonome. En tant que citoyen, on n'a aucun intérêt à confier cette sensibilité d'information et de décision à une seule machine, fût-elle composée et élaborée par des êtres humains. Le ratio espion-algorithme est encore en faveur de l'espion, Gérald Darbois. Bien sûr, parce que de toute manière, il y a deux postes importants dans un service de renseignement. C'est l'orientation du renseignement et c'est l'analyse du renseignement. L'orientation ne dépend pas totalement du service, puisque la question initiale, c'est celle qui est posée par l'utilisateur du service, donc le décideur, qu'il soit politique ou économique ou militaire, va avoir une question à poser. Ensuite, le service va décomposer la question, va la reconfigurer en multiples questions qui va aller à tous les capteurs que l'on peut avoir. Ces capteurs vont ramener de l'information. Là, c'est de la technique bête et méchante, depuis une discussion badine à une table avec un inconnu, jusqu'à aller fracturer, je suis encore dans les vieilles méthodes. Vous êtes encore au coffre-fort. On va dire un serveur. Extraire un disque dur. Allez. Voilà. Et puis ensuite, on va amener toute cette information, mais il n'y a pas qu'une information qui va arriver. Il y a tous les capteurs qui vont amener cette information à l'analyste. Et l'analyste, lui, va devoir moudre tout ça. Ramener aussi sa propre information qu'il a pu lui trouver de son côté, produire un rapport qui lui va être renvoyé au décideur qui a posé la question et qui va reposer une deuxième question. C'est pour ça que le renseignement est un système itératif, c'est-à-dire qu'il recommence tout le temps. Quand j'évoquais l'utopie technologique, ne pas croire que n'existe que l'information qui est numérisée. Pourquoi ? Parce qu'on a eu des cas, notamment, alors c'était plus dans les contentieux criminels, mais de gens qui à un moment se sont extraits, sont devenus muets. Il n'y avait plus d'éléments parce que pourquoi ils ne communiquaient pas entre eux de manière numérique. Et donc effectivement, tous ces outils d'interception, c'est ce qu'ont connu les Américains qui à un moment étaient dans l'utopie de dire, avec des systèmes d'écoute, je vais avoir une vision de ce qui se passe sur des théâtres d'opération. Non, parce qu'à un moment, on ne pourra pas s'affranchir du fait d'engager des personnels physiquement. et d'avoir une insertion locale. Et ce serait dangereux d'avoir l'idée que j'ai l'information. On fait le phénomène avec la culture, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne croyez que l'information qui est accessible à partir de moteurs de recherche, si une information n'est pas numérisée, elle échappe à votre scope, elle échappe à votre point de vue, et donc la difficulté, c'est que votre raisonnement est biaisé parce que vous ne disposerez pas de cette information. Donc ne pas être dans un monde qui serait uniquement numérisé en écartant ou en ignorant ce qui ne le serait pas, parce que évidemment des pans entiers de l'activité, surtout si elles sont frauduleuses, pourraient gagner à rester justement dans un monde strictement physique de manière à échapper à cette surveillance automatisée. Le problème aussi, c'est qu'on a une croyance dans le tout technique et dans le tout technologique qui date depuis une petite vingtaine d'années, mais si on prend avant, on avait aussi ces biais technologiques qui existaient. Mais là, ce qui est déterminant, c'est qu'on a la télévision, ou en tout cas les images animées que l'on peut voir à travers une boîte, qu'elle soit connectée directement sur Internet ou bien aux ondes hertziennes. On voit dans les films, dans les séries, essentiellement les films américains, les séries américaines, qu'il suffit de presque rien pour dérouter un satellite, pour le réorienter, pour voir la blonde qui est en train de prendre son bain dans la piscine juste à côté de chez nous. Il suffit de presque rien pour placer un traceur sous une voiture, pour écouter une ligne téléphonique. Il suffit de rien. Alors que quand vous êtes dans la réalité vraie, vous voyez toutes les démarches administratives qu'il faut faire pour essayer d'écouter seulement. Enfin, dans un état de droit, elles sont compliquées. Mais voilà. Quand le même policier qui, à titre personnel, voudrait écouter son conjoint, disons qu'il trouve assez facilement sur le terrain. Et on voit justement ce que cette dichotomie que vous évoquiez, dans le cadre, et c'est bien légitime, dans le cadre d'un état de droit, ça demande le respect d'un certain nombre de procédures formelles. Il s'avère que le particulier, dans sa vie personnelle, va trouver assez facilement des outils à partir pour quelques euros d'outils très performants de géolocalisation ou d'interception de SMS. Mais après, il faut qu'il en ait l'utilité et qu'il sache configurer ce genre d'outils. C'est pas si complexe. C'est un autre débat. Alors, demain, tout ce cyber-espion, on va pas vous donner. On a déjà mis des liens sur le fil Twitter. Donc, si vous voulez apprendre comment pirater un smartphone, ça reste illicite. C'est illégal. Ça reste illicite. Vous pouvez être poursuivi. Voilà. Ne le faites pas. Et vous, un peu pour incitation à ce type de démarche. Mais on va retirer le tweet immédiatement. C'est pas moi, c'est un article du Parisien. Donc, vous voyez, de sources de renseignements, elles sont pas très, très, très complexes. Faut pas les chercher très loin. Bref. Non, j'aimerais qu'on dise un mot tout de même de ce cyber-état de guerre permanent, si on peut le dire. Aujourd'hui, on l'entend de temps en temps, mais d'une oreille comme une sorte d'angle mort dans l'information. Mais régulièrement, les institutions numériques de nos États, qu'il s'agisse de l'Allemagne, de la France, de n'importe quel État, à vrai dire, d'Amérique du Sud, d'Asie, d'Afrique, sont attaquées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe de facto des groupuscules malveillants ou d'autres groupuscules liés à des États qui mènent véritablement, sans qu'on le sache vraiment, une forme de cyberguerre, on peut le dire ? Certainement, puisque, alors, il s'avère que l'homme, depuis qu'il a fait la guerre, a appris à la codifier. On a créé ce qu'on appelle le DCR, le droit des conflits armés, qui établit l'état de paix, l'état de guerre, une déclaration, un statut réservé aux officiers, aux populations civiles. On a codifié l'art de la guerre, en quelque sorte. Par contre, évidemment, les États apprécient cet univers où on n'a pas besoin de faire de déclaration de paix, de déclaration de guerre, on n'a pas besoin d'avoir des comportements adaptés en fonction des cibles. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette logique qui est de dire, très bien, est-ce que vous pouvez désigner un coupable ? Et surtout, ce que les Britanniques appellent le smoking gun, c'est-à-dire le fameux pistolet fumant qu'on trouve à la main du tireur et qui peut désigner cette personne comme étant celui qui vient doxir son voisin. La seule chose, c'est que dans le domaine numérique, va se poser la question de la preuve. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut prêter aux riches, c'est-à-dire désigner alors qui les Chinois, qui les Russes, qui les Israéliens, qui les Français, qui les Belges ou les... Les Français ont été impliqués il n'y a pas si longtemps. Mais bien sûr, il n'y a pas un pays qui n'est pas... Le Canada qui a... Et d'ailleurs, un pays serait fautif s'il n'entretenait pas une expertise tant offensive que défensive. Donc ça, il faut être très clair là-dessus. Simplement, on revient dans ce précepte du renseignement. La faute n'est pas d'espionner. La faute, c'est de se faire prendre. Et donc, à partir du moment où vous vous faites prendre, c'est là où vous êtes dans une espèce de mea culpa. Lorsque les Allemands ont été pris en train d'espionner le gouvernement français, il est évident. Et c'est là où on voit qu'on est dans un monde différent. On n'a pas déclaré la guerre aux Allemands. Simplement, dans une espèce de comptabilité subtile et diplomatique, on leur a dit, bon, maintenant, il va falloir que vous soyez conciliants sur d'autres sujets, vu que vous avez été inélégant à notre rencontre. Par contre, ce n'est que jusqu'à la prochaine fois, parce que on voit bien que la notion d'allié est redéfinie, rediscutée, et à chaque fois l'idée de se dire, est-ce que vous êtes le coupable et est-ce que je peux prouver que vous êtes bien l'auteur de ces actes. J'aimerais juste, parce qu'il nous reste quand même un petit quart d'heure, mais j'aimerais juste que par rapport à ça, on définisse un peu les contours de ces groupes, de ces groupuscules que l'on dit pour certains liés à certains États. On parle de Snake ou Rouboros, de Tourla pour les Russes, mais on peut parler d'Equation Group, on peut parler de groupes qui sont liés aux cyberdjihadistes. Quelle est la place dans cette espèce de cyberguerre permanente de ces groupuscules? Est-ce qu'ils sont tous finalement le bras armé un peu aveugle d'un État? Est-ce qu'ils ont leurs propres intérêts? Comment les réguler? Est-ce qu'ils sont contrés? Est-ce qu'il y a des jeux autour de leur identification et de leur circonscription? Il y a d'abord deux logiques à prendre en compte. La première logique, c'est ce qui est de la cybersécurité. La deuxième logique, c'est ce qui est de la guerre de l'information. Donc de la cybersécurité, on va prendre des gens qui sont très bons ou qui sont spécialisés dans ce entrisme. Et ça, les hackers, le Chaos Group, c'est dans les années 70 qu'il a été créé. Donc c'est pas quelque chose qui est nouveau. Les services ont toujours, ils sont toujours servis d'organes qui étaient compétents. Je vous parlais du coffre-fort. On avait toujours des malfrats avec qui on travaillait pour aller faire ouvrir un coffre-fort. Ils prenaient l'argent et ils nous donnaient les documents. Ça, c'est simplement la cyberattaque. Ensuite, on va utiliser ces documents. Vous comprenez bien que on ne va pas pénétrer innocemment un serveur de l'armée ou simplement pour le plaisir d'y entrer. Ça, on le faisait dans les années 80 parce que c'était tout nouveau, c'était tout beau. Internet commençait à exister, donc il fallait montrer qu'on était meilleur que les types qui avaient en face. 80, Internet, c'était essentiellement militaire quand même. Hein. Oui, mais vous avez, souvenez-vous, enfin vous peut-être pas, mais... si, c'est gentil, j'étais là dans les années 80 déjà. Il y avait une série qui passait le dimanche après-midi sur une chaîne de télé publique qui nous montrait qu'on pouvait atteindre un serveur, et par un autre serveur, on pouvait entrer dans un autre serveur, et il y avait des enquêtes policières qui étaient gagnées comme ça. Donc MacGyver, c'est ça? Non, c'était pas MacGyver, c'était encore... Même Wargames. Wargames, c'est 1983, un truc comme ça. Voilà, donc on est dans cette logique-là depuis longtemps. Mais ensuite, il y a l'utilisation qu'on va faire de cette documentation. Et là, on entre dans la guerre tacite qu'il y a entre États, mais qui se faisait déjà du temps du renseignement. Et pour tout ce qui est renseignement, on ne se fait jamais une guerre, parce qu'on sera obligé de démontrer qu'on avait intercepté la chose. Seulement, on trouvera un autre moyen pour faire la guerre. Sur le statut de ces groupes revendiqués, type Equation Group, etc. Oui. Alors, ils sont utiles pourquoi? En fait, on retrouve la même chose dans le monde conventionnel. Pareil, si vous prenez l'exemple de la guerre du Liban, où à un moment, le Hezbollah ou d'autres groupes servaient en fait de faunés à des pays États, et donc tout le monde savait que derrière ces États... En fait, ça permet, ce sont des véhicules, en quelque sorte, qui vont permettre de mettre un intermédiaire, d'avoir une revendication qui a la saveur de l'identité d'origine du pays, mais qui va permettre de ne pas impliquer juridiquement. Lorsque Vladimir Poutine, qui est un des rares chefs d'État à avoir pris des positions publiques sur le hacking, je garde juste à l'esprit que le terme de hacker doit être d'abord conçu et pris dans une acception positive. Voilà, on est bien d'accord. Le hacker, après, il peut avoir un comportement malveillant, ça c'est autre chose. Mais le hacker, entre hacker et cracker. Voilà, un hacker est vraiment quelqu'un qui doit, quand ce qu'il voit une technologie, cherche à comprendre comment elle fonctionne et comment il peut la personnaliser, l'adapter, la configurer, l'améliorer, voire éventuellement réduire certaines fonctionnalités qui lui posent problème. Donc Vladimir Poutine a dit effectivement, ce sont des patriotes. Et quand on lui dit, et dis-moi, en Russie, ce n'est pas illégal d'être patriote. Et donc, effectivement, on voit bien que le jeu est de se dire, je n'irai pas investiguer contre ces gens-là. Par contre, ce n'est pas moi en tant qu'État, au sens du droit international public, avec la mise en cause des individus. Ce qui est certain, c'est que on va avoir cette porosité entre des gens qui vont venir ponctuellement, mais la France ne fait pas autre chose. Lorsqu'elle crée un statut de réserviste opérationnel cyber, elle a créé une réserve cyber qui sont des gens qui exercent des responsabilités dans des entreprises, dans la sphère privée, et qui à un moment peuvent mettre un temps leurs compétences, leur expertise au service d'une cause qui est celle de la défense des intérêts stratégiques de la nation. On voit bien que... Là, c'est du bon côté de la force. Au regard de la pénurie de candidats, on a ces allers-retours et ces éléments qui sont vraiment importants en termes de stratégie. Par contre, c'est vrai que ces groupes ou ces groupuscules peuvent ensuite venir en amplificateur d'une politique étrangère, notamment lorsque on reprend l'exemple de ce qui est arrivé, la fameuse attaque de l'Estonie 2007 que vous évoquiez tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Une statue qui, entre guillemets, célébrait la libération de l'Estonie par l'Union soviétique était en plein centre de la capitale et il était décidé par la nouvelle autorité de le mettre dans un cimetière militaire en périphérie de la ville. Bon, officiellement, la cyberattaque qui a visé l'Estonie était le fait de militants nationalistes qui trouvaient que c'était une mauvaise manière qu'on faisait en déplaçant cette statue qui n'était pas détruite, elle était juste déplacée. Vous voyez bien que ce n'est pas un État qui intervient et qu'on a en affichage une dimension purement idéologique de gens qui presque spontanément se révolteraient. Bon, évidemment, après, on peut douter ou contester l'idée que ce sont quelques individus absolument pas diligentés par un État. Surtout quand ça se reproduit de la même façon ailleurs. Voilà. Et en fait, ça permet surtout de créer des écrans qui évitent... Lorsque Hillary Clinton, au département d'État, a été la première à conceptualiser le principe de riposte conventionnelle à une cyberattaque, en disant si les États-Unis font l'objet d'une cyberattaque, nous nous autorisons à riposter de manière conventionnelle, c'est-à-dire avec des armes qui tuent, des bombes et autres. C'est vrai que la difficulté, c'est qu'il fallait déterminer, un, l'origine de l'attaque et être sûr que même si on déterminait un territoire, que les pays ou la population de ce pays étaient partie prenante à l'attaque, et poser la question de la proportionnalité. Comment je fais en sorte qu'un bombardement soit proportionnel dans ses effets à celui d'une attaque numérique? Et en fait, ça a commencé déjà à interroger, parce que est-ce qu'on peut apporter, surtout dans des délais courts, raisonnables, ces éléments de preuve? C'est rarissime et c'est pour ça que ça reste un sujet d'étude pour des juristes, mais que pour l'instant, le caractère opérationnel est, et souhaitons-le pour un moment encore, discutable. Ce qui va changer aussi la donne, c'est qu'on va avoir des acteurs privés qui vont pouvoir entrer. C'est-à-dire que l'utilisation de hackers n'est pas spécifique ni à la Russie, ni à la France, mais à des entreprises. D'ailleurs, Microsoft, enfin, dans le cadre des Nations Unies, Microsoft a un mémorandum et assume actuellement une discussion et tout un argumentaire pour créer au sein d'une espèce d'une ONG internationale un statut de cyberpaix. Et il s'avère que Microsoft, dont le métier est de vendre des solutions informatiques, est engagé et consacre des ressources financières et intellectuelles à cette doctrine juridique d'une cyberpaix qu'elle défend dans le cadre d'instances internationales comme les Nations Unies. Donc, on voit bien qu'effectivement, des logiques d'entreprise qui viennent s'ajouter aux acteurs étatiques qui sont les parties prenantes habituelles et historiques de la diplomatie. On va remercier Gérald Darbois, excusez-moi. Merci beaucoup, Gérald Darbois. Je rappelle, vous devez le filer parce que vous devez prendre un train et c'est un jour de grève, donc tout ça est un peu compliqué. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, bonsoir. On peut vous lire dans des services secrets pour la France du dépôt de la guerre à la DGSE, c'est au CNRS édition. Mais tout de suite à 16h51, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Et oui, comme tous les mercredis en fin d'émission, nous donnons la parole à des jeunes ou à des chercheurs ou chercheuses qui viennent nous expliquer dans un temps limité, en 4 minutes, leur sujet de recherche. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Thibaut Moulin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en 4e année en co-tutelle entre l'University of Manchester et la commu Grenoble-Alpes. Pardon. Bienvenue à la recherche montre en main, c'est à vous. Merci. Alors, avant de se pencher sur le cyberespionnage, il convient d'évoquer l'espionnage traditionnel, humain, qui donc repose sur l'envoi d'un agent en territoire étranger. Celui-ci est en fait soumis à un régime binaire, espionnage en temps de guerre, espionnage en temps de paix. En ce qui concerne l'espionnage en temps de guerre, les États s'espionnent depuis des siècles, mais malgré les tensions provoquées par l'espionnage, on n'en trouve de régulation express que dans ce droit de la guerre, et donc les conventions de la Haye et le protocole additionnel 1 aux conventions de Genève. L'espionnage est permis par ces instruments, mais l'espion capturé dans une zone d'opération, un territoire occupé ou contrôlé par l'ennemi, peut être puni. En ce qui concerne ensuite l'espionnage en temps de paix, il est généralement prohibé en droit national, c'est-à-dire que l'État qui capture un espion peut tout à fait le punir en vertu de sa législation pénale. En revanche, en droit international, il n'est ni expressément autorisé, ni prohibé. Cependant, une règle permet de le réguler, de façon indirecte. C'est la règle de souveraineté. Celle-ci rend illégal l'envoi d'un agent sur le territoire d'un autre État, sans le consentement de ce dernier. Le problème, c'est que ces règles n'ont vocation à s'appliquer que sur un territoire, pour une intrusion physique. Or, le cyberespionnage est, comme on l'a dit, une activité dématérialisée et ne requiert pas l'envoi d'un agent en territoire étranger ou ennemi. Et donc le but de mes travaux, c'est d'étudier l'impact de cette dématérialisation sur l'application des règles de droit international au cyberespionnage. Et j'en déduis que ni le droit de la guerre, ni la règle de souveraineté ne régulent cette activité de manière satisfaisante. Pourquoi ? Eh bien, en ce qui concerne les conventions de la haie et le protocole 1, le raisonnement est simple. Les dispositions concernant l'espionnage ne peuvent s'appliquer qu'à un territoire. Elles ne peuvent donc être transposées au cyberespace que si celui-ci est lui-même un territoire. Cependant, les États ne semblent pas considérer le cyberespace comme un territoire, mais comme un cinquième domaine, à côté de la Terre, de la mer, de l'espace aérien et extra-atmosphérique. Et seuls certains d'entre eux reconnaissent que le droit de la guerre est automatiquement transposable. Par conséquent, ces textes semblent, en l'état, inapplicables. En ce qui concerne ensuite la règle de souveraineté, c'est encore plus simple. Une majorité d'États semble considérer que le cyberespionnage ne constitue pas une violation de souveraineté. On a des positions du Canada, une position claire des États-Unis, de la Suisse sur ce point. Ensuite, la Finlande, le Royaume-Uni, la Grèce et l'Espagne semblent parvenir aux mêmes conclusions. Et lorsque victime de cyberespionnage, les États ont rarement recours à ce terme. On lui préfère le terme d'acte inamical, inacceptable, ou alors on refuse tout commentaire. Et ainsi, on a l'exemple de l'Allemagne, de l'Australie, de la France, de l'Indonésie et des États-Unis. Donc, les instruments de régulation traditionnels de l'espionnage volent en éclats avec le cyberespionnage. Il n'est généralement autorisé ou prohibé ni en temps de guerre, ni en temps de paix. Mais en fin de compte, les États se contentent de cette ambiguïté. Cette activité leur paraît nécessaire à la protection de leur sécurité nationale ou leur bien-être économique. Tous s'espionnent et ils veulent en profiter. Si toutefois on accepte qu'il ne peut y avoir qu'un régime fragmenté du cyberespionnage, alors deux corps de règles peuvent être pertinents. On peut avoir la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui garantit l'inviolabilité des correspondances, des documents et archives diplomatiques, et donc on ne pourrait espionner sur ceci, et les droits de l'homme, notamment le droit à la vie privée. Par exemple, si des communications sont interceptées sans motif légitime ou de manière disproportionnée. Merci beaucoup Thibault Moulin. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Nicolas Artagiol, la question du droit international, du cyberespionnage, c'est vrai que c'est une zone grise. Ah, c'est une zone grise et je pense que c'est une zone grise durablement parce que on vient de nous le présenter, vous voyez bien que personne ne doute sur l'activité, sur son existence, sur le fait qu'on la pratique dans le monde de paix ou dans un monde de guerre. La seule chose, c'est que l'étape d'après, c'est-à-dire la mise en cause de règles de responsabilité, voire éventuellement d'un arrêt qui pourrait après tout, face à un constat général, ne semble pas du tout à l'ordre du jour. Et effectivement, on s'aperçoit que depuis 2001, il y a eu le premier sommet mondial sur la société de l'information qui a eu lieu dans le cadre justement des Nations Unies, considérant qu'on devait être dans un cadre qui dépassait les zones géographiques, les zones culturelles. En fait, tout le monde est d'accord pour créer des groupes de travail, des comités, etc. Mais surtout que cela ne débouche sur rien. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est une arme. Les États apprécient d'avoir cet univers où, en fait, tant qu'ils ne se font pas prendre, ils peuvent être dans le déni. Et puis, c'est surtout que leur concurrence, leur existence dans cet univers-là va leur permettre d'activer ces différents leviers. C'est une réflexion qui est très intéressante parce qu'elle permet d'accompagner la structuration de la consommation numérique. Ce qui est certain, c'est qu'il y a aussi une réelle politique dans le domaine numérique qui fait que la concrétisation d'un corpus juridique avec la mise en cause de responsabilités et surtout l'application de normes, je me souviens d'une convention de 1997 qui est le compte-rendu des ministres de l'Intérieur du G7 de 1997 qui dit très clairement, tu ne commettras pas de cyberattaque, tu ne faciliteras pas de cyberattaque, tu n'aideras pas des gens qui participent à des cyberattaques sur ton territoire, et si on te demande des informations concernant une cyberattaque qui potentiellement vient de ton territoire, tu coopéreras sans délai et sans limite. Voilà, ça tient en une page, à quatre, on est à peu près tous d'accord sur ce qu'il faut faire. Alors je ne sais pas si c'est comme manger 5 fruits et légumes par jour, tout le monde est au courant, le passage à la pratique semble plus douloureux. Merci beaucoup Nicolas Pagion, je rappelle que vous êtes auteur de Que sais-je au PUF sur la cybersécurité. Merci beaucoup Thibault Moulin d'être venu nous présenter vos travaux de recherche. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Antoine Beauchamp, Céline Lausanne et Vétienne, Sarah Higemont, Sonomie Naguette Saint-Vulfranc, Alexandra Longuet à la réalisation, Jacques Azubert à la technique. Et la suite de vos aventures sur France Culture. Dans un instant, c'est le troisième épisode de la série documentaire de la semaine. Une série documentaire autour de l'engagement, engagé volontaire, se battre pour des idées. Une série signée Pauline Mocor et réalisée par Diffy Mariani. Tout à l'heure, on va rester dans le domaine du numérique, hein, puisque Du Grain à Moudre à 18h20 posera la question « Que reste-t-il du logiciel libre ?» avec Hervé Gazdet et ses invités. Pour ce qui lui concerne, eh bien demain, c'est un jeudi comme tous les jeudis consacré à l'histoire des sciences. Nous reviendrons à la source, et pas à la source du code, mais à la source de l'histoire des sciences, à celui qui a marqué par ses principes l'ensemble de la sphère scientifique occidentale pendant pas loin de 1500 ans. On parlera de la science selon Aristote, c'est demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.